c'est le son anti-beau gosse. Quand tu mailles, anti-luxe, anti-tout. R.O.D. R.O.D. Anti-luxe, anti-mailles, anti-jet-set. Regarde-moi ce monde, dans le même sens trop défile. Tous aveuglés par les bombes, cherchant à changer leur style, améliorer leur image, en mode fashion victime. Moi je préfère noircir mes pages et manier ma vieille rime. Mon frère, je préfère être moi-même que m'inventer un style. L'indisquateur, mardi rappeur, tu parais vraiment débile. Donc t'étonnes pas si dans la vie on te laisse jamais tranquille. Faut être soi-même, sincère et imposer son style. Mon style, ouais. Anti-Dolce Gabbana, plutôt révolutionnaire. Esprit Che Guevara. Anti-Merco CBM, plutôt R5 Baccarat. C'est pour mes potes, ma famille et pour tous mes royas. C'est le son anti-beau gosse, anti-boîte, anti-tout. Le son anti-strass, anti-fashion, anti-sous. Ce son qui te met la rage et qui te pousse à bout. T'as les nerfs contre ton visage, maintenant t'aimerais une tête de fou. C'est le son anti-beau gosse. Pour tous ceux qui se la pètent, qui viennent cracher sur ma maquette. C'est le son anti-beau gosse. Pour tous ceux qui pensent que la vie c'est juste ouvrir une braguette. C'est le son anti-beau gosse. Car ce monde de rats est gouverné par le sexe. Le son anti-beau gosse. Arrêtez de croire que la vie se résume à une paire de fesses. Reste toi-même dans ce monde, ne fais pas comme tout le monde. Arrête de suivre les modes, arrête de suivre les ondes. Pas parce que trop de gens partent en couille, dois les suivre comme un con, une conne. Ma soeur, mon frère, rien à dire, tu déconnes. On se comporte comme des cons, d'autres les suivent comme des bouffons. Voici ce putain de monde dans lequel nous vivons. Trop sont attirés par le fond et ça sent pas bon. Trop vivent des envies des autres et non pas de propre opinion. Pourquoi jouent-ils les bâtards? Pourquoi jouent-ils les clochards? Pourquoi quand les autres ont des rêves, ils leur volent comme des crevards? Mais dis-moi où ça les mène, ces gens ont un vrai problème. Toujours un autre dilemme et chaque jour un autre thème. Aucune personnalité, aucune authenticité. D'aventure en aventure, on croit que l'amour c'est niqué. Tu viens des petites pâtures et tu te dis mec de cité. Reste toi-même bordel dans ce monde, voici ma réalité. C'est le son anti-beau gosse. Pour tous ceux qui se la pètent, qui viennent cracher sur ma maquette. C'est le son anti-beau gosse. Pour tous ceux qui pensent que la vie c'est juste ouvrir une braguette. C'est le son anti-beau gosse. Car ce monde de rats est gouverné par le sexe. Le son anti-beau gosse. Arrêtez de croire que la vie se résume à une paire de fesses. Laisse-moi lâcher le dernier 16, laisse-moi simplement chanter. C'est pour toutes les meufs que tu baisses qui finissent le cœur brisé. Juste attiré par leurs fesses, qu'une envie c'est les niquer. J'espère que mon son te blesse, c'est que tu t'es senti visé. Derrière le mic c'est chaud, mon gros car t'es un salaud. Avec mes mots en studio, je le rappe derrière mon micro. Et ça te retourne le cerveau, tu trouves ça pas tellement beau. Alors assume tes erreurs, assume le poids de ton fardeau. C'est pour tous ceux qui se la pètent, tous ceux qui squattent la jet set. Pour tous ceux qui parlent bête, qui viennent cracher sur ma maquette. Arrête, tous les soirs c'est sec. En manque de sexe, donc qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rappeler ton ex. C'est toujours les mêmes histoires, ça revient et ça repart. D'abord on rêve de l'amour, ensuite on fait des cauchemars. Trop se prennent pour des boss, trop promettent le carrosse. Toutes leurs vérités sont fausses, pour ça que je suis anti-beau gosse. C'est le son anti-beau gosse. Pour tous ceux qui se la pètent, qui viennent cracher sur ma maquette. C'est le son anti-beau gosse. Pour tous ceux qui pensent que la vie c'est juste ouvrir une braguette. C'est le son anti-beau gosse. Car ce monde de rats est gouverné par le sexe. Le son anti-beau gosse. Arrêtez de croire que la vie se résume à une paire de fesses. C'est le son anti-beau gosse. Pour tous ceux qui se la pètent, qui viennent cracher sur ma maquette. C'est le son anti-beau gosse. Pour tous ceux qui pensent que la vie c'est juste ouvrir une braguette. C'est le son anti-beau gosse. Car ce monde de rats est gouverné par le sexe. Le son anti-beau gosse. Arrêtez de croire que la vie se résume à une paire de fesses. Arrêtez de croire que la vie se résume à une paire de fesses. Ouais gros, le son anti-beau gosse. Dédié à tous les Dolce Gabbana, Louis Vuitton et Gucci. Yeah. Anti-Mercos. Plutôt R5 Baccarat.